Évidemment qu'à ta place, je n'aurais pas trop su quoi faire. Ce mec qui arrive et qui t'embrasse sans avoir essayé de te plaire. J'aurais été plus efficace, j'aurais essuyé un revers. Maintenant mon gars c'est pile ou face, tu mets mon tu retournes en arrière. Si seulement tu m'entendais, si 20 ans me suffisaient pour te dire tout ce que je t'aime. C'est vrai, je l'avoue, j'ai été lâche. Les sentiments, je sais pas y faire. Un ordinateur à ma place aurait été bien plus sincère. J'attends ton pour tourner la page, aller plus loin que le sommaire. Malgré un ou deux dérapages, vulgaires erreurs de grammaire. Si seulement tu m'entendais, si 20 ans me suffisaient pour te dire tout ce que je t'aime. Tu sais, le soir, quand tu t'endors, moi je t'aime encore. Quand tu t'en vas, tu me fous dehors, moi je t'aime encore. Quand je parle à lui et que je te dis que je t'aime de plus en plus fort, fais-en ce que tu veux, crois-moi ou pas, mais je t'aime encore. Je t'aime encore. Si seulement tu m'entendais, Audrey. Si 20 ans me suffisaient pour te dire tout ce que je t'aime. Si seulement tu m'entendais, oh, si 20 ans me suffisaient pour te dire tout ce que je t'aime.